Pendant ce temps-là, Mireille, elle, traverse le boulevard Saint-Michel et arrive à la Sorbonne par la rue des Écoles. Elle entre dans la Sorbonne, traverse le couloir, s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Puis, elle passe sous les arcades et se trouve dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Elle arrive tout près de lui. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. Elle porte une jupe rouge plutôt courte et un pull blanc plutôt collant. Il trouve son visage agréable et lui sourit. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. Mireille, elle, arrive à la Sorbonne par la rue des Écoles. Elle arrive à la Sorbonne. Par la rue des Écoles. La rue des Écoles. Elle arrive par la rue des Écoles. Par où Mireille arrive-t-elle ? Par la rue des Écoles. Elle arrive à la Sorbonne par la rue des Écoles. Elle traverse le couloir. Le couloir. Elle traverse le couloir. Elle s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Un tableau d'affichage. D'affichage. Un tableau d'affichage. Elle s'arrête pour regarder un tableau d'affichage. Qu'est-ce qu'elle traverse ? Le couloir. Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête ? Pour regarder un tableau d'affichage. Puis elle passe sous les arcades. Sous les arcades. Elle passe sous les arcades. Et elle se trouve dans la cour. Dans la cour. Elle se trouve dans la cour. Où est-ce qu'elle passe ensuite ? Sous les arcades. Où se trouve-t-elle ? Dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Robert se trouve lui aussi, dans la cour. Robert se trouve lui aussi dans la cour. Et où est Robert à ce moment-là ? Dans la cour. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. La silhouette élégante de Mireille. Sa silhouette élégante. Il remarque sa silhouette élégante. Il remarque tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il remarque tout de suite sa silhouette élégante. Qu'est-ce que Robin remarque ? Sa silhouette élégante. Elle porte une jupe rouge. Une jupe rouge. Elle porte une jupe rouge. Plutôt courte. Et un pull blanc, un pull blanc. plutôt collant. Elle porte une jupe rouge plutôt courte. Et un pull blanc plutôt collant. Et un pull blanc plutôt collant. Qu'est-ce que Mireille porte ? Une jupe rouge et un pull blanc. Il trouve son visage agréable. Il trouve son visage agréable. Agréable. Il trouve son visage agréable. Il lui sourit. Il lui sourit. Comment Robert trouve-t-il le visage de Mireille ? Agréable. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui sourit. Elle le regarde avec amusement, avec amusement, avec amusement. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. Elle lui rend son sourire. Elle lui rend son sourire. Elle le regarde avec amusement et elle lui rend son sourire. Elle le regarde avec amusement et lui rend son sourire. Comment Mireille regarde-t-elle Robert ? Avec amusement. Qu'est-ce qu'elle fait quand il lui sourit ? Elle lui rend ses sourires.